Bonjour, voici Bluesy, une émission proposée par Denis Claraz. Listen, y'all, this last verse, man, sums it all up and put it all together. You understand me? And you'll see what the trouble man is all about. Let's put it like this, look here. See, I got a lot of tickets. Hell, I even been thrown in jail. But don't you worry about a damn thing, y'all. I make bail, well, I'm a trouble man, babe. That's what I heard all my life. Making trouble, it can lead to a good time. See people making trouble, y'all. It can lead to a good time. See they call me the trouble man. Bon, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça dépotait pas mal. Hein. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. On a débuté cette émission avec Piper and the Hard Times. Hard, c'est sûrement un terme qui veut bien dire ce qu'il veut dire. La musique était plutôt violente. C'était Trouble Man. On continue avec quelques nouveautés aujourd'hui, mais pas que, comme souvent. On continue avec un album un peu collector, on va dire, sorti par la formation Molten Milk. L'album s'appelle 1975 et voici King Without a Crown. I give up on my castle life. I keep on moving like the tide. Don't care for roses, unclean cut glass. Don't need no silk or uptown class. My room is made of resonance sound. My whole world is in my suitcase. One up and been kind, you see nothing ever. Bluesy continue avec une nouveauté, celle de Jean-Jacques Milteau, très bon harmoniciste français. L'album s'appelle Key to the Highway, c'est une chanson qu'il a assez régulièrement jouée sur scène. Mais là, il a invité un certain nombre de musiciens, chanteurs aussi, comme Harrison Kennedy, que l'on va entendre dans quelques instants, Mike Anderson, Joanne Dalgard. Et les voici avec une reprise qui est celle de Chain of Fools. For five long years, I thought I was your man. But I found out I'm just a link in your chain. Oh, you know you got me where you want me. I ain't nothing but your fool. Oh Lord, you treated me mean. Oh yeah, you treated me cruel. Chain, chain, chain. Said, take it easy. Oh, but your loving is much too strong. I'm added to your chain. Chain, chain, chain. Chain of fools. Chain of fools. The chain is gonna break, and up until the day I'm gonna take all that I can take. Oh hey, the chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain. Je vous propose maintenant d'écouter un peu de blues français, et pour commencer, un enregistrement assez exceptionnel. Je crois que jamais, je ne sais plus depuis combien de temps Bluesy existe, enfin depuis la fin des années 80, jamais nous n'avons diffusé un tel titre. Alors, eh bien, la formation, c'est une formation française, je le disais, qui s'appelle AWEC, donc avec ses quatre membres habituels, et elle est accompagnée par, ça c'est exceptionnel, par un orchestre symphonique. Donc nous allons entendre un enregistrement réalisé au début des années 2020. Il s'appelle Three Pieces for Blues Band and Symphony Orchestra, opus 50. C'est donc AWEC, accompagné par l'orchestre Victor Hugo, sous la direction artistique de Jean-François Verdier. Thank you. t'en faire. Dis-moi, que va-t-on faire? Entre nous tout fout le camp, rien n'est plus comme avant. On s'est brisé le cœur, mis la rate au courbouillon. Brisé le cœur, mis la rate au courbouillon. En doux et pas cela, mais c'est comme cela. Tu me dis Lady, tu es ange et démon. Lenny, Lenny, tu es ange et démon. Il me semble pourtant que je n'ai que des bonnes intentions. Sur la ligne bip bip bip. La communication est coupée. Sur la ligne bip bip bip. Le réseau est brouillé. Ah, sur la ligne plus d'abonnés. Et il nous faut un joker pour s'aimer encore. Joker, pour s'aimer encore. Notre amour est comme cela, une partie de poker. Lafargue. Alors là, on était aussi dans le registre français, hein. C'est le moins que l'on puisse dire. Même, on pourrait même rajouter qu'il a été un peu inspiré par Benoît Blueboy. Ça s'appelait « Oh chérie ». Eh bien, voilà, l'émission est arrivée dans sa toute dernière ligne droite. Je serai heureux de vous retrouver très prochainement. Donc, d'ici là, eh bien, pensez au blues, hein, comme d'habitude. Et puis, on va se quitter pour la dernière ligne droite avec une formation qui s'appelle « The Super Soul Brothers ». Les voici avec By the Way. Bye bye. came by faster than a cloudy day to avoid the shower. In yesterday's memories, I had a man to blame. My storm had snow and rage. My storm had to more be in the light, 'cause you're by my side, all within love. And you wake me up before I fall. By the way, often to the land of many sights, from now on I find myself. Many give to me my sorry buff. Tomorrow in a new dance, the door open, destiny's written step by step. And I don't project anything, only my voice. C'était Bluesy, une émission présentée par Denis Claraz.